62e leçon. Ne soyons pas trop sérieux. Un homme baratine une jolie serveuse dans un restaurant. N'y a-t-il pas trois petits mots que vous aimeriez entendre ? En effet, répond la fille, gardez la monnaie. Un breton fête la naissance de l'enfant de sa sœur. Patron, servez une tournée générale. C'est moi qui paie. Ma sœur vient d'accoucher. Le patron du bistrot lui demande. C'est un garçon ou une fille ? Le breton se tait brusquement. J'ai oublié de demander. Je ne sais pas si je suis oncle ou tante. Pendant un entretien, un journaliste ose demander à une actrice pulpeuse. Qu'est-ce que vous portez la nuit ? Réponse. Du Chanel numéro 5. Exercice. L'homme a commencé à baratiner la jolie serveuse. Qui lui a répondu « Taisez-vous ». Vous avez des frères ou des sœurs ? En effet, j'ai un frère et une sœur. Patron, ce n'est pas moi qui paie. Qu'est-ce que vous portez quand vous allez à l'opéra ?